baisser le pied, mon amour. C'est fou, je t'aime. Je suis envoûté, prisonnier de tes nuits guerrières et tes mots sur ma peau. Me donne la chair de poule, je t'aime. Depuis des années, c'est ciao à la terre entière. L'effet que tu me fais, c'est génial. C'est l'amour idéal que l'on vit qu'une fois. Ce bonheur est parfait. C'est l'amour idéal, je t'aime sans arrêt. Disposé, tu le sais, je pourrais faire des choses immorales si tu le demandais. C'est le pied, mon amour. J'ai toujours faim de toi, je t'aime. Même quand tu mens, c'est dément. Je souris quand même. L'effet que tu me fais, c'est génial. C'est l'amour.